C'est la chronique du baseball avec notre ami Bruno Boudreau. On a parlé pas mal de baseball cette semaine. On a eu Mark Griffin, évidemment, par le dossier de Valérie Plante. On a eu Alex Agostino pour parler de Royal AD et le décès. Et on va parler avec la chronique régulière avec Bruno Boudreau. Évidemment, on va revenir sur le décès de Royal AD. Royal AD, évidemment, qui a jeté pas mal tout le monde du baseball à terre. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Bruno, toi aussi, évidemment, t'as été un petit peu secoué comme tout le monde du décès de Royal AD. Moi, ce que je retiens de, pour bien résumer ça, c'est Alex Agostino que j'ai eu cette semaine, qui a bien connu Roladé. Évidemment, il travaille pour l'organisation des Phillies. Il me disait, les partisans des Expos avaient Pedro Martinez comme modèle, les partisans des Blue Jays avaient Royal AD. Ça résume bien à peu près ça, hein? Oui, puis du côté de Royal AD, je disais un article intéressant encore ce matin, là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur Royal AD cette semaine, c'est une nouvelle assez tragique. Puis on disait que de Royal AD, qu'il a été le pont entre une génération de lanceurs des années 90 extrêmement dominants, des Randy Johnson, des Pedro Martinez, des Greg Maddux et tout ça, vers la nouvelle génération de Clayton Kershaw, Justin Verlander, Max Scherzer. Ces gars-là. Lui, il a couvert ce pont-là. Là. Du début des années 2000 jusqu'à, je dirais, la fin, trois quarts des années 2000, ça a été clairement et de loin le meilleur lanceur dans le baseball majeur. C'est un gars qui a emmené beaucoup d'éléments aussi dans le baseball. On n'a qu'à penser à la balle rapide coupée. Ouais. C'est le premier lanceur partant qui a. Tout le monde l'utilisait ou commençait à l'utiliser, mais lui, il avait rencontré Mariano Rivera lors d'un week-end du match des Étoiles pour perfectionner ça. Et ça a été un des premiers à l'utiliser, probablement lui qui l'a utilisé avec le plus d'efficience. C'est sûr que la balle rapide coupée, ça fait en sorte que les carrières sont plus courtes parce que ça demande beaucoup de stress sur le bras. Mais dans les années où il a utilisé cette arme-là, là, de la période de 2002 à 2011, où il a été extrêmement dominant, là, dans ce 10 ans-là où il a gagné 200 Young, il a été probablement le meilleur lanceur du baseball majeur. Écoute, 63 matchs complets, là, c'est des choses que tu vois plus. Là. C'est autant de matchs complet réuni que ce que des gars comme j'ai nommé tantôt, des Scherzer, des Verlander, des Kershaw, ils ont même pas ça réuni comme match complet. C'est quelque chose qu'on voyait plus. Et Holiday était capable d'emmener ça parce qu'il a vraiment révolutionné son arsenal. Il a changé sa façon de lancer en retournant dans les mineurs. Donc, c'est un gars qui, pour moi, a fait ce pont-là et a été clairement dans cette période-là là, où je me suis mis à suivre vraiment plus le baseball intensément, même si j'ai toujours suivi le sport et aimé ça, mais où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser de façon plus proche, à m'en parler, à communiquer là-dessus. Ça a été vraiment un des joueurs, quand je suivais les Blue Jays, qui a allumé ça, parce que c'était vraiment le lanceur le plus dominant. Tu parles de matchs complets. Est-ce que ça explique un peu sa fin de carrière? T'sais, il a pas lancé... T'sais, il a eu des maux de bras assez vite dans le dé, là. Est-ce qu'il aurait, été mieux d'avoir moins lancer de manche plus longtemps? Ben, c'est sûr que c'est des questions qui sont toujours à poser lorsqu'il y a des blessures. Puis à l'AD, ça a été beaucoup au niveau de l'épaule aussi qu'il a commencé à avoir des problèmes. Puis c'est sûr que ça fait beaucoup de manches qui s'accumulent au compteur au cours des années. Verlander a eu le même problème. Quand son corps a lâché, ça a été vraiment drastique là, la chute du côté de l'AD. Mais ça reste que d'un autre côté. Comme j'ai mentionné, là, des carrières comme on voyait avant, on disait avant, temps de la renommée, un joueur en lançant, ça prend 300 victoires. 300 victoires, on verra plus ça, là. Tu sais, 300 victoires, là, c'est 20 victoires par saison pendant 15 ans. Premièrement, un lanceur à cette heure avec justement des balles rapides coupées, tout ça qui donne plus de stress sur le bras. Un gars qui lance 15-16 ans dominant, il n'y en a plus tant que ça. C'est plus les mêmes lanceurs qu'on voit. Puis il y a tellement de spécialisation au niveau des enclos de relève. On retire rapidement les lanceurs, comme tu viens de le mentionner, avec raison, Dan, pour justement protéger les bras, que souvent les lanceurs sont plus impliqués des décisions ou moins souvent impliqués des décisions. On va voir un lanceur lancer un bon match, accorder deux points, puis ne pas être impliqué dans la décision. Pourquoi? Parce qu'en fin de match, on a 5-6 releveurs en comité qui viennent, puis là, il y a un point qui se marque, puis on donne la victoire au releveur. Donc, oui, la statistique était là, mais aller chercher plus que 200 victoires, comme Holiday l'a fait sur une période comme laquelle il l'a réalisé, c'est juste une question de longévité par la suite pour dire, OK, ce gars-là, dans une carrière de 30 ans, aurait accumulé 300 victoires. Donc, pour moi, quand un gars domine comme il a dominé pendant 10, 12, 13 saisons comme il a fait, dans les nouveaux critères qu'on a, c'est facilement un joueur que tu vas amener au temple de la renommée. Puis... Non, probablement pas. Puis, tu sais, aussi dans le cas d'Holiday, ce qui va l'aider de ce côté-là, puis moi, j'aime pas vraiment ça parce que je pense que le temple de la renommée du baseball devrait reconnaître les exploits des joueurs. T'sais, on en a déjà parlé souvent, Dan, mais si Roy Halladay rentre au Temple de la renommée, je m'expliquerai jamais pourquoi Roger Clemens n'est pas là. Mais ceci étant dit, il y a la personnalité, c'est les médias qui votent pour l'entrée au Temple de la renommée. Puis Roy Halladay fait l'unanimité de ce côté-là aussi. Et c'est correct, c'est une super bonne personne. C'est tout ce qu'on lit sur lui cette semaine. Ça va l'aider au niveau de sa candidature. Mais d'abord et avant tout, moi, je trouve que les joueurs qui méritent leur place au Temple de la renommée, ça doit se baser sur les exploits sur le terrain. Vraiment d'abord et avant tout. Puis dans le cas de Roy Halladay, même s'il ne respecte pas, comme j'ai mentionné tantôt, d'anciens critères, ça reste... C'est un gars qui, facilement pour moi, a sa place. Écoute, les statistiques sont là, puis on les a entendues, puis on ne les passera pas toutes. Mais il y en a une qui sort aussi, c'est 5 saisons de 200 rétro-bâtons et plus avec moins de 40 buts sur balle accordés. Écoute, c'est loin devant tous les autres. Puis aussi, dans le fond, quand tu penses que ce gars-là, en 2000, Dan, en 50 manches, avait une moyenne de points mérités de 10,64. Ça, c'est la pire moyenne de l'histoire du baseball majeur pour un gars à qui on a donné 50 manches dans une saison. Il est parti des mineurs, puis il est revenu au sommet. Ça te montre la détermination puis le caractère aussi du bonhomme. Puis c'est un peu ce qui est ressorti dans tous les hommages qu'on a pu lire sur lui cette semaine. Écoute, si tu me permets rapidement, deux petites anecdotes de Roy Halladay, très, très rapide. Écoute, en septembre 2004, je suis allé voir un match des Blue Jays. C'était la première fois où je sortais à l'extérieur du Québec pour aller voir un match de baseball. Donc, j'avais seulement vu des matchs au Stade olympique à ce moment-là. Fin de saison, Yankees, on se souvient 2004, c'est l'année où ils se sont fait remonter par les Red Sox en avance 3-0, série de championnat. C'est la dernière fin de semaine de l'année. Il y a Roy Halladay au Monticule. Nous, on est en voyage pour aller voir les Patriots jouer contre les Bills à Buffalo. Optionnellement, samedi, on nous invite à aller au baseball. On y va, évidemment. On ne peut pas manquer ça. Et c'est Roy Halladay qui lance contre Kevin Brown. Je ne sais pas si tu te souviens de Kevin Brown. Oui, entre autres. Et aussi les Yankees, le droitier qui a vu son gros contrat à Los Angeles. Puis, tu sais, c'était un bon lanceur, Kevin Brown. Mais moi, ce qui m'avait frappé, Dan, c'est à quel point, même si Kevin Brown, c'était plus le lanceur que ça avait été quand même déjà à ce moment-là, mais la différence entre les deux. Tu sais, j'étais impressionné à quel point Roy Halladay était meilleur que Kevin Brown. Ça m'avait vraiment frappé à quel point il était juste meilleur. Puis ça, c'est, tu sais, peu importe le résultat du match, le résultat de la saison, puis tout ça, ça m'avait vraiment frappé. Écoute, en 2004, il était au sommet. Vraiment. Et en 2011, on peut pas oublier le probablement son dernier grand match en carrière contre Chris Carpenter, le match de 1-0, le match décisif là, de la série Phillies Cards. J'étais un partisan des Cards, j'étais content que Carpenter gagne. D'un autre côté, je voulais que Halladay gagne pour avoir une chance encore à la série mondiale. Et ça a été la fin, dans le fond, de Roy Halladay qui s'est blessé en 2012. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, ça a été aussi la fin de cette série de succès des Phillies sur le dernier jeu de la série. Ryan Howard qui frappe un roulant, qui se déchire le tendon d'Achille, qui n'a jamais été le même joueur par la suite. Les blessures ont commencé avec Halladay, puis dès 2012, on a commencé à se débarrasser de vétérans du côté des Phillies. Donc, c'est un match-là. Écoute, après deux frappeurs, ça a été 1-0 pour les Cards, puis il n'y a rien qui a été donné par les deux lanceurs par la suite. C'était incroyable le spectacle qu'on a eu cette journée-là. Puis ça a été le premier là, d'une longue série de moments intéressants là, de ces séries-là. Oui. Oui. Et Darno s'est ramassé par la force des choses aussi à être échangé un peu plus tard et servir de monnaie d'échange dans un autre échange un peu controversé qui a amené R.A. Dickey du côté de Toronto. Puis, mais quand Drebeck, je me souviens, on lui a donné la chance. Puis il y a des matchs, je regardais lancer Drebeck, puis on voyait, il y avait des flashs où on voyait, ah, ce gars-là, il a du potentiel. Puis il y avait de la grit, tu voyais du père dans le nez, il y avait du Doug Drebeck dans le nez, mais c'était tellement rare ces moments-là. Ça a tellement été un joueur qui a été mal évalué et en plus que les blessures ont ralenti. Puis tu sais, à un moment donné, quand tu arrives avec le mandat d'échanger un joueur comme ça, les autres équipes aussi, ils savent que le gars il est plus heureux et il veut quitter. Fait que ton pouvoir de négociation, c'est pas le même non plus. Là. Donc à ce moment-là, ça a été un petit peu difficile puis peut-être un petit peu devancer ce qu'on aurait voulu faire, alors que peut-être qu'à Toronto, on aurait bien aimé l'avoir à l'ED quand on a commencé à avoir un peu de succès là, 2011, 2012 et les années suivantes. Là. Ben, en fait, mon commentaire là-dessus, puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites, puis je trouve que Frédéric Degg, très, très bien branché sur le dossier, Mark Griffin, tu sais, ils ont bien expliqué le dossier en tant que tel, puis je comprends très, très bien leur argumentaire, puis je suis 100% d'accord avec tout ce qui est mentionné dans leur façon de voir la chose. Tu sais, la ville de Montréal a une chose à faire, mais il y a d'autres étapes, puis une des choses que moi, qui me préoccupe, c'est pas l'élection, puis c'est un peu ce que j'ai ma réflexion cette semaine, c'est pas tant l'élection de Valérie Plante, c'est plus le mouvement populaire. C'est-à-dire, quand on essaie de comparer la situation, tu sais, moi, je réside dans la région de Québec, quand on essaie de comparer la situation avec l'amphithéâtre et tout ça, c'est différent un peu de la façon avec laquelle Montréal procède que Québec. Si on regarde, exemple, au niveau des assistances, tu es allé à des matchs préparatoires au Stade olympique, j'y suis allé aussi, le message, à ce moment-là, il est lancé au baseball majeur. Il n'est pas lancé à la ville ou au gouvernement. Il est lancé au baseball majeur qu'il y a un intérêt. Et à partir de ce moment-là, le baseball majeur et tout ça peut faire un travail avec le parti privé. Mais à la différence que je sens pas ou ce que je vois pas, puis je sais qu'il est là, j'en parle avec des gens, puis il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, puis je vois l'effervescence autour du retour des expos. Mais il faut pas se leurrer. Ça n'a pas le même effet que, tu sais, souviens-toi de la Marche bleue, souviens-toi de J'ai m'appelle, souviens-toi de tous ces événements-là à Québec. Et ça a mis une pression sur le gouvernement. Fait qu'à un moment donné, quand tu as 50 000 personnes qui descendent dans la rue pour revendiquer quelque chose, c'est sûr que la pression pour la construction, exemple, de l'amphithéâtre est très, très grande. Et c'est ça, la façon que Valérie Plante l'amène, c'est, ben pour l'instant, il y a une mouvance, tout ça, mais il y a plein de mouvances de différents types dans la société. Donc, je pense que son approche est bonne, même si elle est beaucoup plus mesurée, puis elle est beaucoup plus calme par rapport à ce que Denis Coderre pouvait avoir comme approche peut-être un peu plus agressive, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une mauvaise chose. Je pense que la prochaine étape, c'est que ça va peut-être prendre un accroissement un petit peu de l'effort populaire qui va être relié autour du retour des expos afin d'emmener une pression au niveau du gouvernement, parce que auprès du baseball majeur, le travail est fait. Le secteur privé fait sa place. Le maire veut bien aider, mais il va falloir que la population démontre au maire de l'accompagner aussi. Là. Oui. Oui, mais écoute, d'un point de vue politique, c'est ça à quoi que je compare ça. Puis, tu sais, c'est la comparaison, c'est pas du tout la même chose. Mais souviens-toi, à l'époque, on a voulu construire le parc là-bas. C'était à l'époque où on avait envoyé, je pense que c'était 50 000 infirmières à la retraite. Et à ce moment-là, on se disait, c'est pas vrai qu'on coupe dans la fonction publique, puis qu'à côté, je vais financer un stade de baseball. Fait que dès que tu as un enjeu politique comme ça, justement, le dossier à Bronfman, c'est pas du tout la même chose, mais ça reste un obstacle politique. Puis chaque obstacle politique, tout ce qui manque à ce dossier-là, c'est l'étape politique. Donc, tous ces obstacles-là qui apparaissent, même chose pour le 200 millions et quelques qu'on veut mettre dans la rénovation du toit du Stade olympique, c'est tous des éléments politiques qui viennent brouiller les cartes. Puis c'est pour ça que, même si, encore là, le maire Coderre était peut-être un peu plus porteur du dossier du retour des expos, il faut comprendre aussi pourquoi la nouvelle mairesse en place prend ses distances, parce qu'il y a des obstacles politiques qui devront être franchis avant qu'elle aille risquer quoi que ce soit par rapport à ce dossier-là. Donc, je trouve sa position tout à fait correcte. C'est sûr que c'est inquiétant parce que c'est pas le même discours que le maire Coderre, mais quand tu y réfléchis comme faux, je trouve que sa position est très respectable aussi. Ben en fait, les Cards, on sait que depuis l'année passée, ils sont vraiment à la recherche de frappeurs de puissance. Hein. Ils ont été souvent liés, on t'en a parlé cet été pas mal, Dan, rumeurs de transactions du côté des Blue Jays avec Josh Donaldson. Les Cards, ça fait plusieurs saisons. En fait, il leur manque un gros frappeur de puissance depuis qu'ils ont échangé Albert Pujols, en fait, que Pujols a quitté pour Anaheim et signé son gros contrat là-bas. De toute façon, on le voit, le Pujols était vraiment en fin de carrière, donc c'était une bonne décision de le laisser aller du côté des Cards. Mais ça fait quand même plusieurs années que cette équipe-là se cherche ce gros bâton-là. Ils ont atteint la Série mondiale contre les Red Sox, puis ça a été la grosse différence. Dans cette série-là, ce qui a fait la différence, c'est Big Papi, il n'y avait rien devant lui de l'autre côté. Tu sais, ils ont toujours des bons lanceurs, ils développent bien, ils ont des bons joueurs de position, ils ont un bon gérant. C'est vraiment une organisation qui est solide, mais il manque le frappeur d'impact depuis que Pujols est parti. Et ça ne me surprend pas de les voir au sommet des rumeurs pour l'acquisition de Stanton. On a parlé beaucoup des Giants de San Francisco, C'est le même exercice. Les Giants, ils ont besoin de puissance. C'est une équipe qui a perdu énormément de puissance au cours des dernières années. Leurs joueurs qui en avaient, ils vieillissent. Puis leurs lanceurs aussi dominants, ils sont devenus moins dominants, donc ils accordent plus de points. Il faut qu'ils marquent des points. Et un gars comme Stanton peut couvrir le besoin. Fait que, à date d'aujourd'hui, moi, c'est vraiment les deux équipes que je vois qui auraient peut-être une tête d'avance dans le dossier. Merci, Dan. Bonne journée.